Qui aurait pu croire un jour qu'un anus serait banni par les Grecs? Eh bien, c'est fait, Bambou. Oui. Adrian Anus a rendu sa médaille d'or des JO d'Athènes ce week-end. Le lanceur de marteau avait refusé un contrôle antidopage et boum, la sanction. Dans un premier temps, je trouve quand même que c'est légèrement déplacé de demander à un anus qu'on connaît à peine de vérifier ses urines. Et puis, c'est quand même le pompon à Athènes d'accuser un anus d'avoir sur lui l'urine d'un autre. C'est tout un mode de vie qu'on remet en question, Bambou, tu es d'accord? Bon, ça me rappelle la fois où j'avais honoré le sport soviétique. Ah, je me souviens. C'était au JO de Moscou. Je m'étais retrouvé, par hasard, dans le vestiaire de l'équipe de basket féminine russe. Oh, fallait voir les morceaux! La plus petite faisait ma taille. Quant à la plus grande, au début, j'ai cru que c'était un panneau publicitaire posé dans le coin des douches. Tout allait bien. On était en train de jouer à Chabit dans le jacuzzi. Inutile de vous préciser que j'étais pas mal sollicité. Quand d'un seul coup, l'entraîneur, un espèce de mutant croisé KGB SPA, qui avait tout d'un grizzly venu tout droit des steppes de l'Oural, est rentré comme une furie. Alors là, moi, joyeux et fripon comme à mon habitude, je lui lance. Allez, Bogdanova, fais pas la gueule. Viens piquer une tête, je te prête une boule. Oh là là là. Qu'est-ce que j'avais pas dit, malheureux? Elle s'est dessapée, elle s'est rasée le torse, elle m'a lancé « Alors, tovarich, on se la pète dans le jacuzzi des filles du peuple? Si tu es si fort que ça, prouve-le et honore-nous tout à la fois !» Vous me connaissez, mes amis? Vous me connaissez, Johan? Pas vraiment. Je suis un homme de challenge, apprenez-le, surtout quand il s'agit de faire comprendre à la gente féminine qui c'est le patron. T'es d'accord, Bambou? Oui. Bon. Enfin là, en même temps, je dois avouer que j'avais un peu les chocottes. J'ai demandé 5 minutes pour me concentrer. Le grizzly en a profité pour faire venir dans le jacuzzi les remplaçantes. C'est donc avec 23 radasses plus un ours que mon challenge se profilait. Une fois isolé dans le vestiaire, il n'y avait plus que deux solutions. Soit je partais en courant, et l'ombre de cet échec aurait pesé sur mes frêles épaules. Soit je faisais appel à ce qu'il y avait de plus fort en moi et je relevais le défi. Et je pouvais dans le futur relater mes exploits. J'ai donc choisi la deuxième option. Je prends ma gourde de schnapps et j'avale la gorgée spéciale challenge avec plus de 20 greluches, dont une qui échappe à tous les principes de la féminité, la gorgée de 13 litres. Dans la minute qui suivait, j'étais de retour dans le jacuzzi. J'avais le muscle saillant, le poil lustré, l'œil pétillant, le sexe arrogant, Bambou, et les baloches au taquet. Je me suis mis sur le bord de la cuve à plaisir et j'ai hurlé. Alors les moudjiks, on me touchait du doigt la passion, on veut se lancer dans le grand bain de la luxure, on veut tenter sa chance dans la rivière sans retour des joies de l'humiliation. Et j'ai plongé. En emmenant dans une apnée porno-abyssale l'ensemble du troupeau. Et là, dans l'eau moite et pleine de miasme anticapitaliste, je leur ai fait l'amour pendant 655 heures. Une fois sorti de l'eau, j'attendais les félicitations du grizzly, et puis rien du tout. Ou plutôt si, mais je m'y attendais pas. On m'a emmené de force à me soumettre à un contrôle antidopage, et j'ai été viré du pays. Quelle triste fin. Je trouve aussi. Bon, mes amis, je vous laisse. C'est le lancement de la chaîne Homo. Et moi, j'ai pas mal d'amis de la braguette arrière. Je vais leur filer un coup de main. Au revoir, Z.